Bon, bah, bonjour les amis. Il est question justement qu'on fasse un petit débat. Là, on a 2 heures. On va diviser ça en deux. On va faire sur la première partie continuer les débats qu'on avait fait les 3 fois dernières, où on essaye en fait d'améliorer le côté interne de Nuit Debout, toute la on va dire la machinerie qu'on a mis en place sans forcément trop l'anticiper ou le prévoir. On a fait un peu comme on va dire comme on a pu pour beaucoup de choses, et là maintenant il est peut-être temps de se poser, de réfléchir à comment on peut améliorer ce qu'on a mis en place dans l'urgence pour que ce soit plus constructif et que ça aboutisse à des réels résultats dont tout le monde sera content et fier d'en parler aux autres et d'agréger du monde. Et là-dessus, en fait, on va, juste comme je vous le disais, séparer le débat en deux. On va faire une première partie sur justement le pad et toutes les améliorations internes. Et on va faire aussi, du coup, en deuxième partie avec Daniel, le débat sur les propositions de Rennes. Qui parle de réinventer la démocratie. Ils ont jusqu'à maintenant, je crois, 10 propositions qui sont plutôt bien chiadées. Ils ont bien vraiment travaillé dessus. Maintenant, ils en sont à 80. Là, on va parler juste des 10 premières qui sont sorties et qui sont assez générales pour que du coup tout le monde comprenne un peu le principe. Et l'idée va être d'en rajouter. Si on pouvait là tous ensemble travailler à rajouter de nouvelles propositions et même à écrire finalement les propositions de Paris, ça serait cool. Comme ça, on pourrait avoir peut-être créé une dynamique où chaque Nuit Debout pourrait elle-même apporter ses nouvelles propositions pour réinventer la démocratie. Et on pourrait après essayer de faire un espèce de pad de toutes les propositions de toutes les Nuits Debout sur justement réinventons la démocratie. Et à ce moment-là, on pourrait faire un peu comme on a aujourd'hui dans le pad d'amélioration interne, ou un autre système, à voir hein, comment on fait, mais où du coup tout le monde pourrait acquiescer ou réfuter finalement telle proposition à mettre au nom de tout Nuit Debout. Donc voilà, on a du travail et mon collègue arrive. Donc, du coup, je voudrais savoir juste une petite question. Est-ce que tu peux enregistrer Caro? Et est-ce que tu peux me filer la feuille que tu avais il y a 30 secondes dans les mains? Ah, voilà. Ah, bah oui, en plus, non, bon, c'est cool. C'est enregistré d'ici. Donc, c'est encore mieux. Alors. Donc, pour ceux qui n'étaient pas à l'AG de coordination mercredi. Et pour ceux qui n'ont pas forcément très bien entendu, parce que je les ai lus à la fin et un peu dans l'agitation, je vais reprendre justement la synthèse des 3 premiers débats qui se formulent un peu comme ça, où j'ai repris finalement chacun des thèmes et finalement fait une mini-synthèse en une phrase, même une phrase assez courte, qui résume un peu l'idée dans le. L'idée sur le thème en question et sur la question précise aussi en question, d'où va le débat, dans quel sens va le débat, dans quel type de proposition on allait et aussi surtout sur quelle difficulté on a mis l'accent et sur ce qu'il faudrait peut-être améliorer ou voire construire complètement. Donc, question de la structure de Nuit Debout. On a mis en évidence qu'il fallait discuter d'une fédération ou d'une association ou de campagne qu'on pourrait mettre en place de manière collective avec Nuit Debout. Il a été aussi de question de créer une réelle opposition de force face aux politiques, parce que c'est un réel manque, et surtout avec 2017 qui arrive, je pense que c'est une question qui va être à l'ordre du jour pour beaucoup de monde dans pas longtemps, voire même ça l'est déjà. En tout cas, pour moi, ça l'est déjà. Sur les assemblées nationales, les assemblées, voilà, je les rêve tellement que je voudrais qu'elles soient déjà nationales. Mais sur nos assemblées populaires et générales et coordination, on aimerait en fait, enfin la synthèse des débats a mis en évidence qu'il serait important de restituer le travail des commissions. Qu'en gros, on commence une AG et qu'au début de chaque AG, il y ait peut-être une liste des commissions qui défilent et qui restituent le travail ou l'aboutissement d'un travail qu'elle aurait fait. Donc c'est pas une obligation, on n'oblige pas les commissions à toutes les AG de faire une restitution, mais pour celles qui en ont, il y aurait cette place ouverte à tout début d'AG parce que c'est essentiel en fait. Et du coup, on a aussi parlé du fait que une AG n'a pas forcément pour vocation de rester une AG. Elle peut aussi elle-même décider de s'éclater en plusieurs groupes de travail sur des thèmes différents, associés ou non, et qui, elle, après se réunirait pour justement faire la restitution de ces groupes de travail. Et du coup, ça apporterait finalement un peu plus de consistant au débat. Et du coup, on pourrait même créer le débat finalement de cette manière-là. Il a été question aussi de réfléchir et de travailler à la stratégie. Et d'ailleurs, je le cherche, il est là. Ulysse nous a envoyé une idée qui était plutôt, pour moi, assez chargée de sens, qui était de remplacer le mot agir dans nos vocabulaires internes par le mot construire. C'est-à-dire qu'on arrête de se focaliser sur l'action, action, action, action, action. Action, c'est bien, mais action pas réfléchie qui va nulle part et qui ne porte aucun message concret ou qui n'a pas de résultat, c'est pas terrible. Alors qu'une action bien pensée avec un message de communication a posteriori et aussi a priori, surtout. Faire beaucoup de com avant de faire l'action, c'est pour moi c'est un point essentiel et qu'on rate à chaque fois. Sur la question des votes en AG, il a été dit enfin, par beaucoup de personnes en tout cas, qu'il fallait pas y renoncer sous peine de faire de l'entre-soi, parce que justement ce que les gens aimaient bien en fait au début de Nuit Debout, c'était venir s'asseoir en fait au milieu de l'assemblée et d'avoir finalement le sentiment qu'ils pouvaient prendre part aux décisions, prendre part à ce qui se faisait, même s'ils ne venaient pas tous les jours, même s'ils n'étaient pas forcément connus de tout le monde, ils avaient, enfin, leur voix comptait en fait. Et c'était ça qui je pense a été bien porteur au début, c'était de rendre la voix au peuple par l'intermédiaire de décision ou de marquer sa présence sur une opinion, sur une proposition ou même sur une action. Il a été aussi question du coup d'affûter aussi toutes les propositions qu'on amènerait au vote par des débats répétés. Ça aussi, ça a été un gros manque dans les débuts, c'est qu'on a peut-être voulu trop vite voter les choses sans forcément se poser la question de est-ce que ça mérite réellement ou est-ce qu'il y a vraiment nécessairement besoin d'un vote de toute l'assemblée ou de toute la place, voire de tout Nuit Debout pour entamer le travail sur tel groupe de travail ou sur telle action ou ce genre de choses. Il a été aussi question d'avoir un système de validation du coup par proposition et par type de proposition, parce que justement, on s'est vite rendu compte aussi que on ne peut pas faire voter de la même manière toutes les propositions. Par exemple, il y a des propositions à plus long terme qui vont nécessiter peut-être plus de travail en débat au départ et peut-être plus de formation de l'assemblée en question pour qu'elle puisse être à même de prendre la décision. Et des propositions d'action du style bon, est-ce qu'on va faire l'apéro chez Valls? Typique, c'est une proposition qui, elle, n'a pas forcément besoin d'être votée parce qu'elle va uniquement embarquer les gens qui sont présents sur le moment et qui vont vouloir y aller. Donc voilà. Après, si on doit faire tout voter, on peut aller aussi faire voter quelqu'un qui pourrait aller faire pipi et qui, du coup, ferait une pause de l'AG pour aller faire pipi. Ça serait marrant d'ailleurs. Du coup, on a aussi parlé de la gestion des dons, parce que c'est un problème un peu récurrent de notre fonctionnement interne. C'est l'utilisation de l'argent, c'est-à-dire qu'on nous donne de l'argent, mais comment on l'utilise, étant donné qu'on est plusieurs à avoir enfin, il y a plusieurs commissions et il y a plusieurs personnes qui aimeraient utiliser cet argent pour porter leur action ou amener du tract ou amener ce genre de choses. Et du coup, il faut réussir à se décider de comment on fait pour savoir qui utilise, combien et pourquoi. Du coup, il a été question déjà de partir du postulat où l'AG serait décisionnaire de toute utilisation de dons. Alors, ça, c'est à discuter, mais ça pourrait résoudre le problème. Sauf que ça amène aussi à un autre problème, c'est comment on fait pour se décider en AG pour faire quelque chose. Donc, au final, c'est là où on voit que tout est lié et qu'au final, enfin, que toutes nos problématiques, finalement, se répondent les unes aux autres et s'enchaînent comme un peu un jeu de dominos qu'on aurait étalé et où il y en a un qui va pas, bah du coup le reste va pas. Il a été aussi identifié qu'il fallait justement identifier trois, enfin des trésoriers. Après on était parti sur trois, mais peut-être que ça sera plus. Des trésoriers bien identifiés, transparents sur l'utilisation des dons. C'est-à-dire qu'à chaque fois le moindre copec de l'argent de Nuit Debout serait utilisé, il y aurait quelqu'un pour venir en AG et dire: Oh les amis, on a dépensé tant d'argent pour faire telle chose. Parce que du coup, avoir des docs et enfin, de virtualiser finalement toutes les choses à chaque fois, c'est vrai que ça exclut aussi pas mal de gens parce qu'ils ne peuvent pas participer finalement à l'information. Ils n'ont pas l'information parce qu'ils sont que sur la place, ils sont que dans le réel et que du coup, ça crée un trou en fait entre nous. Du coup, il y aurait forcément ce doc qui serait suivi, mais aussi l'intervention sur la plage à chaque fois et qui, j'espère, serait toujours filmé avec un super reporter debout qui, du coup, filerait l'info à tout le monde. Ensuite, il a été aussi question de rediscuter de la vente d'objets sur la place, parce que apparemment, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas trop compris pourquoi on s'interdit de vendre, par exemple, les t-shirts Nuit Debout ou ce genre de petites fabrications qu'on pourra bénéficier de la part de boutistes qui mettraient finalement ces choses à vendre pour en renflouer les caisses et peut-être amener beaucoup plus d'actions et beaucoup plus de résultats à tout le mouvement. Il a été aussi question d'une association de financement type loi 1901. Donc ça, je pense qu'aussi c'est intéressant et à réfléchir. Il y a aussi été question d'une monnaie virtuelle type blockchain. Et ça, je pense que c'est aussi un point à travailler parce que justement, ça lutte contre le système financier, le système bancaire, et ça pourrait nous offrir à nous, Nuit Debout, un système de gestion justement de l'accès à l'argent qui serait peut-être un peu plus simplifié. Mais encore une fois, il faut tout ça, ça serait du numérique, du virtuel, et donc on revient sur le même problème de il y a des gens qui pourront pas y avoir accès. Ensuite, niveau communication interne. Alors ça, enfin si vous si, si pour ceux qui n'ont pas vu le pad, c'est le thème qui a été le plus rempli. Parce que justement, c'est le thème sur lequel on a énormément de difficultés. Et c'est le thème un peu, finalement, comme je disais tout à l'heure, qui rejaillit sur tous les autres thèmes. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas à se concerter en interne et avoir finalement une réelle communication sur ce qu'on fait, comment on le fait et où on va, et ben du coup, tout est flouté. Tout se casse un peu la gueule parce que justement on n'a pas réussi à se concerter correctement et au moment où on est sur l'action, au moment où on est sur le truc, bah on se regarde un peu bêtement et on se dit bah comment on fait alors qu'on était censé le savoir bien avant. Donc il a été convenu qu'en communication interne, tout ce qu'on faisait lié à Telegram et à la règle du qui propose fait est ultra excluante. Dans le sens où bah Telegram, pas tout le monde l'a. Et le qui propose fait se transforme souvent en fait tout seul. Et ça, c'est triste. Il a été question aussi de faire un questionnaire aux anciens actifs pour leur demander pourquoi ils s'étaient désintéressés du mouvement, voire de la place, et ne venaient plus. C'est-à-dire d'essayer de récupérer un peu les forces actives qu'on avait au début et qui ne sont plus là, ou en tout cas essayer de comprendre pourquoi ils sont partis, pour peut-être justement intégrer le pourquoi dans les améliorations et changer le truc pour que du coup ils reviennent peut-être. Ça serait peut-être cool. Il a été question aussi de créer des outils qui incluent tous les autres outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise énormément d'outils numériques de partout. D'ailleurs, les gens même qui les utilisent sont perdus à savoir sur quoi je dois aller poster mon information pour qu'elle soit au bon endroit, lue par les bonnes personnes et que derrière, il y ait une réaction. Et du coup, il y a une équipe qui travaille en ce moment à développer justement un outil qui englobe tous les autres outils numériques, c'est-à-dire qu'on aurait une plateforme sur laquelle on retrouverait tous les autres. Et en plus, il est possible, c'est un peu du rêve, qu'elles communiquent entre elles. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on envoie un truc sur quelque part, ça envoie sur tous les autres outils numériques qui auraient le même thème, ou le même salon de discussion, ou le même truc, enfin les trucs qui sont liés en fait. Parce que souvent, au final, quand on veut créer un groupe de travail, on est amené à créer un Telegram, un Mumble, un pad, un machin, un truc. Et du coup, tous ces éléments sont en lien. Mais sont en lien que par les gens qui le pratiquent et qui l'utilisent tous les jours. Et vont donc devoir dire aux autres, y a ça qui existe aussi en lien avec ça, et ça. Mais à travers la plateforme qu'on propose, finalement, tout serait déjà lié. Et au final, quand tu entres dans le groupe, tu as directement les liens avec chaque truc. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'était un peu l'idée. Il a été aussi question de faire des flux RSS par ville, un peu comme faisaient les indignés. Parce que du coup, ça pourrait du coup être un moyen assez simple pour ceux qui n'ont pas un accès à Internet, smartphone et compagnie régulier ou constant, d'aller voir au moins quand ils ont l'accès chez eux ou chez un ami, le flux RSS de toutes les villes pour se tenir un peu au courant de tout ce qui se passe dans toutes les villes. Et en gros, il y a aussi aujourd'hui des agrégateurs de flux, donc on pourrait même avoir justement un seul outil où vous vous connectez et vous avez... Bim, par ville, toutes les infos qui tombent et qui sont actualisées en plus. Et il a été aussi question, grâce à notre ami Gilbert que je ne vois plus, il est là, il est toujours là, il nous écoute, de définir Nuit Debout et de rechercher l'identité de Nuit Debout. Alors ça, c'est une tâche énorme, qu'il est peut-être important de faire, on ne sait pas. Ou peut-être voire même impossible à faire. Donc c'est là où justement il faudra peut-être en débattre et essayer de voir ce qu'on fait de cette proposition et ce qu'on fait aussi de l'identité Nuit Debout. Est-ce qu'on la laisse complètement volatile et complètement nuageuse comme une nébuleuse, ce qu'on disait souvent à Papon, ou est-ce qu'on lui donne un contour aussi, ce qu'on disait à Papon d'ailleurs, pour justement que tout le monde puisse se figurer de ce que c'est Nuit Debout, ce que c'est d'être deboutiste, et ce que c'est d'être finalement aujourd'hui dans cette lutte qu'on essaie d'agréger. Après, j'ai mes oreilles déjà qui sifflent et j'entends beaucoup me dire « Non mais Nuit Debout, ça ne doit pas servir à ça. Nuit Debout, ça doit être un hub. Ça doit être finalement que un hébergeur de lutte où tout le monde... un hébergeur et un relais aussi. C'est-à-dire que tout le monde qui aurait finalement sa lutte pourrait venir à Nuit Debout, en faire part aux autres, essayer de trouver du monde pour faire vivre sa lutte, faire vivre ses projets de groupe de travail et aussi ses projets d'action. Et du coup, c'est un peu l'idée. Je vais essayer de faire un peu plus court. Il y a aussi donc de faire le bilan concret d'où on est Nuit Debout, parce qu'aujourd'hui, il est évident qu'on ne sait pas réellement combien on est, combien on peut mobiliser de gens sur une action, par quel canal on passe pour que tout le monde soit averti de telle action ou de telle décision à prendre pour Nuit Debout. Et ça, ça nous fait cruellement défaut. Il était aussi question, donc dans le thème commission, d'organiser que chaque commission ait un système de recrutement, c'est-à-dire qu'elle organise elle-même son recrutement et qu'on lui permette de le faire. Enfin, dans le sens, je suis pas Nuit Debout, mais que Nuit Debout permette à chaque commission d'organiser son recrutement et l'aide dans le sens où Nuit Debout devrait justement être le hub avec tous les contacts et devrait rediriger les gens vers la commission en question et on aurait peut-être un référent recruteur ou quelques référents recruteurs pour chaque commission et du coup on leur balancerait le paquet quoi. Du coup il a été aussi question de définir ou de laisser faire la prise de décision des commissions parce que il y a eu beaucoup de commissions qui se sont vues par certaines personnes de la place interdire le fait d'aller sur un endroit, le fait de faire une action, le fait d'entreprendre quelque chose. Et donc ça, soit on laisse les choses comme ça, où on dit que Nuit Debout a finalement son aval à donner sur le travail de chaque commission, ou alors, ce qui pour moi serait une meilleure idée, on laisse carrément les commissions faire ce qu'elles ont envie de faire. Et finalement, peu importe si ça match ou pas avec l'esprit de Nuit Debout en totalité. D'ailleurs, ce qui n'est même pas défini, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, dire ceci est Nuit Debout et ceci n'est pas Nuit Debout, ça n'a pour moi en tout cas aucun sens. Tant qu'il n'est pas défini, tant qu'on ne s'est pas posé la question de est-ce qu'on le définit, est-ce qu'on le définit pas, tout simplement. Et du coup, il a été aussi question de compter les commissions encore actives et de les former à la communication, parce que ça, c'est aussi important de savoir sur quoi on travaille et de savoir comment on communique sur ce qu'on fait. Et surtout, de former peut-être des commissions qui naîtraient et qui se mettraient en place à fabriquer eux-mêmes en fait leur communication et que ce soit un peu tous. On va dire assez bien fait, que toutes les communications de chaque commission soient assez bien faites pour que du coup elles soit se suffisent à elles-mêmes, soit qu'il n'y ait plus qu'à les relayer par le hub de Nuit Debout ou n'importe quel autre hub qui existerait. Un hub, pour ceux qui ne savent pas, c'est un portail, c'est plutôt un réseau de distribution. C'est-à-dire qu'on se branche comme un switch Ethernet, on se branche. Et on obtient de l'info, mais on peut se brancher à plusieurs, et du coup, l'info est renvoyée à toutes les à toutes les branches. Du coup, on intègre la prise de décision collective. Alors ça aussi, prise de décision collective, c'est un assez gros débat. On l'a vu avec le système de vote, ça a été très difficile. Et on a du coup été assez large sur le thème. On a juste dit qu'il fallait mettre en place une procédure de décision. Donc en gros, c'est mettre en place un processus de vote ou un processus équivalent qui permette au collectif de Nuit Debout dans son intégralité sur la place. Je m'entends parce que on va pas commencer à parler de prise de décision collective nationale. Mais déjà, si on pouvait arriver à faire ça, de tous ensemble prendre une décision, ça serait bien. De rechercher de faire de la recherche de décision légitime, c'est-à-dire qu'on arrête de vouloir décider n'importe quoi ou telle personne n'a pas le droit d'aller là-bas. C'est un peu débile. Après, il a été question aussi de décider de savoir si on fait un quorum ou on n'en fait pas. Parce qu'un quorum, ça peut avoir ses avantages, mais ça peut aussi avoir ses inconvénients. Un quorum, c'est en gros une espèce d'assemblée de réduite de personnes qui pourraient invalider ou dévalider telle décision ou telle chose. Voilà. Oui, c'est plutôt ça. Pardon, je me suis fourvoyé. Et donc, je finis par le thème campagne électorale, qui d'ailleurs sera débattu tout à l'heure, à savoir de construire une alternative politique. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie d'en construire une? Et si oui, comment on le fait? Donc, sur ce fait-là, je vous ai finalement restitué la synthèse qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui. Et là, il est question que ce soit pas que moi qui parle. Et que du coup, on fasse. Je vous propose soit de continuer, enfin, de soit de débattre de cette synthèse, si, ben, pour ceux qui sont, on va dire, motivés par l'un des thèmes ou quelque chose que je viens de dire, ça pourrait être bien. Soit on fait la liste des thèmes et du coup on en choisit un tous ensemble et on débat là-dessus, ou on fait des propositions sur ce thème en question. Ou soit on reprend du coup les propositions qui sont déjà faites dans le pad et qui ont eu le plus d'approbation. En gros, on lit ces propositions et on en débat ensemble. Que voulez-vous faire? Que préférez-vous? Pierre, sinon on fait un vote. Qui est pour la première proposition? Répète. Du coup, la première proposition, c'est de travailler sur la synthèse. C'est-à-dire qu'on débat de la synthèse et on débat de la pertinence de chacun des points. Soit on en rajoute, soit on en enlève. En gros, on essaye de débattre de ça. Deuxième proposition, c'est je vous liste les thèmes qui sont présents dans le pad. On en choisit un et on rajoute des propositions nous-mêmes, ou on débat des propositions qui sont déjà existantes dans ce thème-là. On peut faire même les deux. Et la troisième proposition, c'est de sélectionner dans le pad, dans toutes les propositions qui ont déjà été faites dans tous les thèmes, les propositions qui ont été le plus à valider, qui ont eu plus de plus 1 en gros, où tout le monde disait, enfin, plusieurs personnes disaient qu'ils étaient pour. En gros, là, je crois que le maximum, celle qui en a le plus, ça doit être plus 5 ou plus 6. Enfin, on ne doit pas voler très haut. Mais en tout cas, ça nous permet de sélectionner en gros une dizaine de propositions et de débattre de ces propositions-là. Donc, 1, 2 ou 3. Qui déjà n'a pas compris les 3 propositions? Je peux commenter tes propos, François. Oui. Non mais tout simplement, on peut faire autre chose, c'est-à-dire si quelqu'un a envie de rebondir sur ce que tu as dit. Attends Gilbert, s'il te plaît, parce que si quelqu'un a envie de rebondir sur ce qui a été dit, on prend ce poil 1 et on le développe. Enfin voilà, en partant du premier, on va arriver au 3 quoi. Bah enfin, tour de parole classique alors. On part sur un tour de parole classique. Bon, au pire, on part sur un tour de parole classique. Ok, si ça vous va. Bon, bah alors on fait un tour de parole classique et du coup on va avoir besoin de quelqu'un qui prend les tours de parole. Alors, Daniel, tu veux. Hein? Vas-y. Daniel, en premier. Sur la manière de s'organiser, il est 16h45 et. Avec François, on avait proposé de fusionner un autre débat qui était sur formuler des propositions de nuit debout pour améliorer la démocratie dans la société, dont j'aurais bien aimé qu'on ait un temps spécifique sur ce point-là. Et donc, auparavant, on se dit par exemple à 17h30, on part sur les 10 propositions démocratie de Rennes et on parle de ça. Et que maintenant, de 16h45 à 17h30, on fasse un peu un tour de parole libre sur tout ça, qu'on voit ce qui émerge le plus. Et j'inviterai juste tous à essayer de... une idée qui me vient pour passer de plein de propositions à comment ça se concrétise, c'est envisager les prochaines assemblées de coordination. Est-ce qu'il y en aurait une qui pourrait être sur des bilans de commission? Et est-ce que ces propositions ne pourraient pas être soumises comme ordre du jour à des assemblées de coordination, afin qu'à ce moment-là, ce soit adopté, voilà, comme passer de proposition à décision en assemblée de coordination. Donc se dire sur les 2-3 prochaines assemblées de coordination, comment on échelonne les trucs prioritaires à traiter collectivement et à décider ensemble. Voilà, c'est comme ça que je verrai les 3 quarts d'heure qu'on a maintenant. Vas-y, il y a Gilbert maintenant. Alors, moi, je voulais relever la lourdeur de la liste François. Tout ce qu'il a proposé est très intéressant et extrêmement lourd. Autant de choses en si peu de temps me paraît complètement impossible. me semble-t-il, hein, bon, personnellement, hein, parce qu'il a dit beaucoup de choses importantes. Et donc, je vous rejoins, choisissez quelque chose, mais on va pas pouvoir aller très loin. On proposait d'élargir encore, je pense que ce sera pas possible, parce que les affaires sont... Ce qu'il y a à traiter, vraiment des choses sérieuses, et je pense pas que ça pourra se faire en quelques minutes. On verra bien. François, tu veux faire ? En fait, ce que j'avais proposé à la G de Cordeau la dernière fois, c'est que sur finalement cette synthèse, il y ait des groupes de travail par point qui se mettent en place et qui du coup travaillent sur ce thème-là et puissent nous faire la restitution de leur travail, à savoir est-ce qu'on fait ou pas et si on fait, comment on le fait. Et du coup, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est peut-être jouer le jeu et s'organiser en groupe de travail maintenant sur l'une des propositions et d'essayer de répondre à la question qui est posée, à savoir est-ce que, par exemple, enfin je prends n'importe laquelle, mais est-ce qu'on fait un quorum ou pas? Par exemple, ça peut être une question sur laquelle on peut se pencher, mais on peut en prendre une autre. Alors Caro, je crois que tu voulais parler. Non, mais déjà, si tout le monde ne connaît pas ce que c'est un quorum, on peut pas le faire. Et puis après, je pense que c'est bien, oui, de faire des groupes de travail comme il a été proposé, en fait. Groupe de travail, je pense que c'est... T'as mangé ? Ah ouais, mais il y a deux... Didier, tu voulais parler, je crois, non ? Allez, deux secondes, il y a... Oui, là, c'est un peu confus. C'est très confus, même. Un, deux, voilà. J'avais juste envie de rebondir sur ce qui était en train de dire Daniel, et ça fera peut-être ouvrir un débat derrière, je sais pas, sur le bilan des commissions. Moi, je comprends pas cette fixation qu'il y a depuis un certain temps à te faire des bilans. Pourquoi, alors déjà, des commissions sur la place, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup. Faut être très clair. Alors, c'est peut-être une liste, très bien. Mais au bout d'un moment, je veux bien, mais à quoi ça sert, quoi? Parce que je pense qu'on a déjà plus ou moins fait un peu notre... Ou en tout cas, cet été, je pense qu'on l'a fait un petit peu notre bilan à notre manière. Hein. C'était pas forcément un bilan comme on l'entend au sens littéraire du terme, mais on n'a pas fait un truc en trois parties avec une intro et une conclusion, mais je pense qu'on se les fait tous un peu à nous-mêmes, et je pense que les gens qui sont partis en congé, qui sont revenus pendant ce temps-là, ils ont eu le temps de prendre du recul et faire ce bilan. Je voulais aussi réagir sur cette histoire de recontacter les anciens. On sait malheureusement là une grosse partie pourquoi ils sont partis. Je repense à nos copains de Bibliothèque Debout là, qui ont posté un truc hier, et je pense que son message était très clair sur Telegram. Donc il disait que voilà, qu'elle arrêtait parce qu'il n'y avait pas assez de membres, mais aussi parce que elle en avait marre des conflits internes qu'il y a eu ces derniers temps, et pour lequel je suis très, là pour le coup, optimiste, parce que j'ai l'impression qu'on en sort vraiment. Et que ces deux dernières semaines ont vraiment été très intéressantes, et malheureusement on a dû voir un petit peu, comme dans beaucoup de cas en fait, faut toucher un peu le fond pour en ressortir quelque chose de mieux. Et ça se, comment dire, ce que je suis en train de dire, c'est complètement dans la ligne de ce que tu fais depuis un certain nombre de temps. C'est juste toujours un peu dommage d'en arriver à des situations telles, hein, mais... comme quoi on est aussi nuit debout, c'est aussi très humain, parce que malheureusement c'est aussi dans cette société, c'est dès qu'il y a un drame, tout le monde s'excite, mais le problème c'est qu'on met en pansement sur la plaie, mais on guérit pas la plaie. Et c'est ce qu'il faudrait qu'on essaye de faire, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'on mette un pansement à ce mouvement, et qu'on aille vraiment en chose dans les profondeurs, et d'où les 36 000 propositions, et c'est vrai que c'est pas évident. Donc voilà, moi j'avais ces deux-là, les anciens, de toute façon déjà, un, je suis pas sûr qu'ils vont répondre, deux, on sait quasiment tous pour la plupart pourquoi ils sont partis, Et s'ils ont envie de revenir, et j'en ai revu là dernièrement, c'est très bien. S'ils n'ont pas envie de revenir, ils reviennent pas. Et il y aura, j'espère en tout cas, de nouvelles personnes. Donc voilà, moi, ce côté bilan, j'ai un petit peu de mal, du coup. Voilà, je suis plus pour le avancer et c'est comme ça. Ouais, du coup, je comprends exactement tes mots. Là, je les entends très bien. Du coup, je pense que ce qui était mis en évidence là-dessus, c'était plus le bilan humain que le bilan textuel, en fait. Parce que je pense que le travail de com a été fait, pas forcément bien par toutes les commissions, mais a été fait. Et du coup, il y a moyen de retrouver cette restitution, de toute façon, si on voulait en faire un bilan. Et je pense que là, ça risque de fatiguer un peu les forces qui nous restent, de travailler sur le bilan, donc de faire cette rétrospective de tout ce qu'ils ont fait depuis le début, alors que finalement, ils ont envie de se concentrer sur ce qu'ils font maintenant et ce qu'ils vont faire demain. Et ça justement, je pense que c'est quelque chose qu'on met pas assez en évidence, duquel on parle pas assez. On reste finalement axé sur le passé. Oui, il y avait 3000 personnes sur la place au mois d'avril. Oui, c'était très bien. J'y étais, on y était tous. C'était super. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus 3000 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ces 3000 personnes reviennent pour faire quelque chose, ou on fait quelque chose quand même? Et on est dans l'optique de justement d'essayer d'élargir et d'agrandir les forces qu'on a en améliorant ce qui a fait défaut et ce qui a été soulevé par beaucoup de personnes qui sont parties. Et ces choses-là, finalement, reviendront si on ne les change pas et du coup referont que les nouvelles personnes seront amenées à partir, et voire même ce qui serait le pire. C'est que des têtes brûlées qui sont là depuis le début et qui ont affronté le climat, qui ont affronté les gaz, qui ont affronté toutes les embrouilles internes et qui sont encore là. Ils sont encore debout, ces gens-là. Ils sont encore en train de se casser la tête en interne pour savoir comment on fait réellement pour changer les choses. Et ben moi, c'est ces gens-là que j'ai envie de... sur lesquels j'ai envie de me concentrer, c'est ces gens-là vers qui j'ai envie d'aller et de leur dire « qu'est-ce qu'il te faut, mon gars? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour faire que ta lutte, elle aboutisse à quelque chose, elle arrive quelque part ?» Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce pad et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui devant vous, pour vous poser la question, en fait, à vous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer Nuit Debout? Et d'ailleurs, ce qui pourrait être marrant, c'est que chacun nous donne un peu son sentiment. Ouais, mais attends, il y a deux personnes. Ouais, attends. Il y a juste la liste de France. Pour répondre, qu'est-ce qu'on peut faire à Nuit Debout, mon sentiment, c'est, et ça revient dans pas mal de choses que tu disais, c'est la structure de Nuit Debout. Pourquoi pas penser donc à une association loi 1901, quelque chose qui puisse avoir du poids, parce que lorsque tu parles d'argent, comment dépenser l'argent, mais déjà comment en avoir plus. Est-ce que sur nos sites internet on peut faire des dons? Je pense pas. Alors ça, c'est un problème. Donc c'est un problème à la base, pour faire court, parce que le nom Nuit Debout nous appartient pas. Ça a été dès le départ, de mon point de vue, un problème qui a fait que la non-structure de la non-structure dans laquelle on est aujourd'hui. Donc pensez à la structure d'une manière concrète, c'est-à-dire par exemple une loi 1901 où il y a des entreprises sociales et solidaires, ESS. C'est des choses qui correspondent complètement à ce qu'on fait sur la place et ce qu'on veut faire. Quelque chose qui est important aussi, c'est l'opposition politique. Pour 2017, peut-être pour les élections, mais aussi les élections qui viennent après, parce que sur la place et à Nuit Debout, quand tu parles de ceux qui partent, très bien, mais comment je vois Nuit Debout et de manière générale comment je vois la lutte et la vie, c'est une course de fond, c'est un marathon. Donc on est là pour se structurer, pour pouvoir aller plus loin. Demain, celui qui veut, il part, celui qui veut, il revient, on s'en fiche, mais voilà, c'est quelque chose sur la durée. Donc il faut structurer, loi 1901 ou entreprise sociale et solidaire. Lorsque tu parles de la blockchain, donc c'est cette monnaie virtuelle c'est intéressant. Et quand tu dis qu'il y aurait une différence entre les gens qui viennent que sur la place et la blockchain, donc qui n'est que virtuelle, que sur Internet, nous, on peut créer un lien, de toute façon, sur la place entre celui qui voudrait donner de l'argent et l'investir en Bitcoin. Et donc, ça devrait passer notamment par un trésorier, quelqu'un qui est en tout cas transparent et qui pourrait faire ça. Donc, ça, ce lien-là, il est possible facilement. Voilà, j'ai d'autres choses à dire, mais je fais tourner la parole. Essayez de faire rapide, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps pour après. Ok, merci. 1, 2, 3, c'est bon. Allô, merci. Oui, donc pour le bilan, pour moi, ça me paraît quasiment indispensable, en fait. C'est là où j'étais en opposition avec toi, mais en fait, c'est parce que pour moi, je rejoins ce qu'il dit en fait, François, c'est pour savoir les causes, effectivement, les causes de, parce qu'on a forcément échoué. Enfin, on n'a pas échoué, mais on a échoué quelque part. On n'a pas réussi partout. Ça, enfin, on a bien vu, je crois. Donc, ça serait quand même intéressant d'essayer de savoir où. Pour pas que ça se reproduise, je me dis. Ouais, je sais, mais voilà. Effectivement, pour pas que ça se reproduise, je pense que le meilleur moyen, c'est de regarder ce qui s'est passé, quoi. Et cet été, comme tu dis, on a tous fait un peu notre bilan dans notre tête, mais on n'a pas fait de bilan commun. Clairement, voilà. Enfin, tu vois. Donc, dans nos têtes, oui, on s'est tous dit des choses dans nos têtes, mais on sait pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc, ça fait pas beaucoup avancer le truc. Donc, ouais, bon, je suis vraiment plutôt pour le bilan, en fait. Et du coup, les forces. Ouais, j'ai vraiment pas de chance. Et pareil, ça rejoint pour moi pour les forces actives. Enfin, vraiment, pour moi, ça va dans ce sens-là. Et évidemment aussi pour l'avenir, ne pas reproduire les erreurs. Enfin, je sais pas, ça paraît logique. Et pour l'identité, alors l'identité, pour moi, il y a un danger. Enfin, ça peut être. Pour moi, il y a deux causes, en fait. Tu peux avoir le danger justement de en trouvant une identité, d'exclure du coup des autres, en fait. Alors tu peux aussi prendre le risque d'en inclure plein. Mais moi, c'est ça qui me gêne, c'est qu'on prend le risque d'en exclure. À partir du moment où on se donne une identité, est-ce que quelqu'un pourra venir s'il ne sent pas cette identité-là? Voilà, c'est ça que je me pose comme question. Du coup, mais après, j'entends bien que ça peut être important de la trouver. Je sais pas. Je suis vraiment mitigé là-dessus. C'est tout, je crois. Et puis alors, il y a un truc qui me paraît. Je suis désolé, je fais pas. Mais pour mettre en place un processus de décision collective, pour mettre en place ce processus-là, il va falloir qu'on décide collectivement. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, là, on est. Ouais, tu l'as dit, pardon. Ok. Donc voilà, je me suis dit, on est un peu dans. Voilà. Mais il faut absolument aussi qu'on trouve un processus, effectivement. Ouais. Voilà. J'ai pas beaucoup avancé le truc. J'espère que ça va marcher. Parce que moi, je vais faire comme d'habitude l'ancien combattant. Que ça fait 40 ans que j'entends les mêmes discours, les mêmes choses qui se passent. Et que chaque fois, on veut réinventer l'eau chaude. Et je sais aussi que dans Paris, un peu dans toute la France, il y a d'autres mouvements comme les Colibris, comme Alternativa. Et il y a des revues comme Silence, Passerelle. Qui coordonne plein de choses, mais tout le monde veut coordonner les autres, mais personne ne veut être coordonné. C'est ça le problème. Si on arrive à comprendre pourquoi, et surtout pourquoi Nuit Debout, qui est tellement chaotique, ne se mêle pas aux autres. Alors moi, ne veux pas se mêler aux autres, dire. Bon, parce que Nuit Debout, c'est l'élite, je sais pas, j'ai pas compris. Et moi, j'ai une autre solution que je pratique. Mais c'est difficile à expliquer, enfin, ce serait long surtout. C'est ce qu'on appelle un réseau de système. C'est-à-dire tous les gens qui font quelque chose, là où ils sont, que ce soit un sel, que ce soit une construction écologique, que ce soit une entreprise. Sociales et solidaires, etc. Eux ont leur réseau. Et chaque réseau peut travailler sur les mêmes propositions. Mais des gens qui font quelque chose, c'est-à-dire qui se connaissent entre eux et qui agissent, qu'il ne faut pas que parler. Parce que parler, c'est facile. Et surtout, moi, au début, j'étais aux âgés. Et maintenant, j'y vais plus depuis longtemps. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui font du sabotage vraiment facile, facile. C'est très facile de dévier une âgée quand personne ne se connaît. Oui, je suis bien content de le faire, alors. Et donc, un réseau de systèmes, c'est simplement c'est ça. Il n'y a pas besoin d'informatique. Simplement, les gens, ils se relaient entre eux comme ils ont envie, avec Internet ou avec autre chose, et ils parlent de ce qu'ils font et de quoi ils ont besoin pour continuer à faire ce qu'ils font et comment ça peut se développer. Voilà. Et l'identité, c'est l'identité individuelle de chacun qui fera la somme, et la somme, ce sera l'identité du mouvement. Si on commence à vouloir faire contraindre les gens à avoir une identité, ça ne marchera jamais. Merci. Maintenant, c'est Adèle, après Ulysse et après le reste. Oui. Alors, tout d'abord, franchement, mais. Moi, j'avais la dernière AG, j'avais pas entendu, donc et j'avais jamais pu assister. Et vous avez fait, enfin, tu as fait, vous avez fait un travail. Moi, je trouve ça extraordinaire, vraiment, c'est génial. Bravo, bravo. Non, mais vraiment, enfin, c'est waouh. Il y a des trucs vraiment, alors que j'adore. Donc, l'outil qui impliquerait un peu tous les autres, ou finalement, parce que le souci, c'est vrai que, mais c'est normal. Enfin, faut aussi se rendre compte que quand même, ça fait que 6 mois. Ça fait pas 5 ans non plus. Donc, attendez, quoi. C'est normal qu'il y a eu une première chose où les gens se rencontraient, commençaient à faire des choses ensemble. Donc il y a eu plein de choses d'accumuler. Et c'est là où moi le bilan, ce qui me semble fondamental dans le bilan, c'est pas forcément savoir, oui, savoir aussi ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, mais surtout savoir tout ce qui a été fait, mais ça va être très long, savoir tout ce qui a été fait pour pouvoir gagner beaucoup de temps après, pour ne pas refaire ce qui a été déjà fait aussi. Donc c'est là, s'il y avait l'outil informatique qui nous permettait de compiler tout ça, ce serait juste parfait, quoi. Ça, c'était la première chose, oui. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à l'identité de Nuit Debout, très franchement, dans 50 ans, les historiens trouveront quelle était l'identité de Nuit Debout, quand on sera mort. Mais là, on est vivant, et on ne sait même pas nous-mêmes ce que va devenir Nuit Debout, ce qu'on produit là-dedans, et si on commence à lui donner une identité, on le tue pour l'avenir. Enfin, ça, c'est vraiment, vraiment mon point de vue. Et en plus, voilà, comme tu disais, je suis tout à fait d'accord, ça produit de l'exclusion. Et puis ça fige le truc, quoi. C'est, on sait même pas ce qu'on est en train de faire. On est en train de déplacer des montagnes. Moi, je le pense vraiment. Hein, et c'est pour ça que c'est très compliqué. Si c'était simple, si ça avait pu se faire en 5 mois, ça aurait été déjà fait il y a 100 ans. Hein. Donc c'est bien normal qu'on galère et que ce soit compliqué et que ça nous demande énormément d'efforts et d'énergie et qu'en même temps que ce soit passionnant. Enfin, c'est quand même une aventure extraordinaire. Voilà. Merci. Tu veux répondre? Ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe. Ce que je vais dire, c'est que quand tu énonçais tous les trucs là, le pad, le télégramme, le machin, moi je suis bien loin de tout ça, à part mon Facebook et mon adresse mail, je me sers pas. Donc je voulais aller à l'atelier, mais malheureusement le samedi j'ai pas pu y aller, le dimanche il y avait pas. C'est pas un reproche, hein. C'est juste une consternation. Voilà, donc on est un peu évacué quand on n'a pas tous ces outils, je trouve. Donc du coup, en fait, justement, ce qui est en train de proposer l'équipe qui travaille sur cet outil, qui est pas loin du rêve pour le moment, enfin je veux pas trop m'avancer, mais ça avance assez bien. On a des résultats concrets. Et en gros, ce qu'on essaye de faire, c'est de brancher toute personne, quel que soit son moyen de communication, comme tu l'as dit, si, même si tu n'avais qu'un email, en fait, tu serais quand même branché à tout le reste, à tous les nœuds, et tu serais finalement impacté par le travail de tous les autres nœuds. Dans le sens où si tu fais partie du groupe de travail, ou si tu veux être alerté de tel résultat, de tel groupe, eh ben, y a juste à te brancher, et à ce moment-là, tu reçois les infos, tu reçois les mails. Et tu pourrais même, dans un avenir assez proche, y répondre. Et c'est justement ce qu'on essaye de créer, mais c'est assez compliqué techniquement. Faut se mesurer un peu le défi. parce qu'on a décidé de le faire de manière propre Nuit Debout, c'est-à-dire que totalement décentralisé, autant dans le fonctionnement interne serveur que dans le terme client et applicatif, que tout le monde puisse se brancher partout à tout et n'importe quoi. En gros, c'est ça le défi, et que du coup, tout le monde soit au courant tout le temps de tout ce qui se passe. Et ça aussi, c'est la deuxième partie du défi. Et c'est monstrueux. Et du coup, pour rejoindre aussi ce que disait Adèle, on est face à, comme je le dis assez souvent, 3000 ans de servitude. On a un système qui est face à nous, qui a, lui, 3000 ans d'assises sur l'humanité. Et c'est ça qu'on essaye de renverser, de pénétrer pour le changer, en fait. Et donc, forcément, ça peut pas déjà se faire en 6 mois. On peut pas opposer 3000 ans de structuration à 6 mois de ce qu'on a pu faire, nous, ici, sur la place. Il faut aussi, j'ai l'impression, se voir tel qu'on est. Et arrêter de se voir beaucoup plus beau ou beaucoup plus fort que ce qu'on est, parce que ça nous dessert complètement, ça nous scie les pattes. On n'avance pas. Et c'est là où, justement, ça rejoint aussi l'idée du bilan, qui peut être intéressante, justement, pour montrer l'étendue de la capacité active de Nuit Debout depuis le début. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a entrepris, même si on n'a pas obtenu le résultat escompté? Comment on s'y est pris pour arriver à telle absence de résultat ou tel résultat? Et ça, je pense que c'est important de le dénoter, de le marquer. Par contre, c'est un travail de fourmi, d'aller le faire pour chaque commission et même pour des choses qui ont été faites et qui n'étaient même pas à l'origine de commission. Alors je pense que ce coltiner ce travail là, franchement, je le laisse à un autre. Après, pour répondre à ce que disait monsieur sur les structures, c'était tout à fait juste, et ce qui est pour moi à l'origine de ce manque, c'est la décision dès le départ qui a été prise de refuser toute structuration, et ce que disait aussi le monsieur qui est parti aussi, de refuser toute ouverture vers l'extérieur. C'est-à-dire que on a dit que ni les politiques, ni les médias, ni les gens qui étaient médiatisés, c'est-à-dire que quelqu'un qui aurait déjà une tribune autre part que sur la place, n'aurait pas le droit ou n'aurait pas sa place dans nos AG, n'aurait pas le droit de s'exprimer dans nos groupes de travail. Et ça, je trouve ça pas forcément très judicieux pour justement faire gonfler le mouvement et lui ramener finalement, affûter ses arguments. Parce que aujourd'hui, c'est mon sentiment, mais si on veut réellement peser dans les débats et amener nos sujets, il faut impérativement qu'on affûte nos arguments. C'est-à-dire qu'on va toujours nous renvoyer les mêmes balles à la tronche, qui est Nuit Debout, c'est des punks à chiens, Nuit Debout, c'est des inactifs, c'est des chômeurs et compagnie, et qu'on est finalement face à ce genre d'accusation identitaire, parce que c'est clairement une accusation identitaire qui force une identité à Nuit Debout qui n'est pas la nôtre. Et comment répondre à ce genre d'accusation de manière collégiale et de manière ultra ciblée, qui finalement force la partie qui nous accuse d'être des chômeurs et des inactifs, ou des gens, comme il a été dit sur le périscope il n'y a pas longtemps, juste bon à se faire gazer. Non mais est-ce que tu peux juste me laisser finir, s'il te plaît? Je vais conclure. Du coup, c'est pour moi, c'est ça qu'il faut justement garder à l'esprit quand il est question d'identité, de structure. C'est pourquoi on en est là. Si on n'arrive pas sur cette démarche-là, à savoir pourquoi on en est là, on ne trouvera jamais les moyens de changer la situation ou de l'améliorer. C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Donc là, je vais passer les tours de parole. Ceux qui veulent parler, c'est maintenant. Sur la prochaine qui parle, après on arrête les clôtures, on passe à la chose. Tu vas passer 2 secondes. Il y a des gens avant toi. Bon, je vais être très court. Et j'ai rebondi sur ce qu'a dit François au début. Et je me répète, c'est construire. Construire, ça veut dire agir immédiatement. Voilà. Et je les propose encore une fois, ma disponibilité, je prends des risques, 3 jours par semaine, disponible. Une demi-journée, évidemment. Et c'est la Université Populaire. Voilà. Et je n'ai pas besoin de problèmes, c'est l'Université Populaire. Voilà. C'est tout. Ok, donc maintenant il y a Daniel. C'est la même chose. Alors, pour essayer de donner une image sur la situation dans laquelle on est, j'en ai deux différentes à vous proposer. Il y en a une parce que au début de Nuit Debout, on était des milliers et ça marchait tout seul. Et maintenant, c'est plus du tout comme ça. Donc en fait, on peut dire que la rivière, elle était en haut niveau de crue. Et que maintenant, elle est plutôt avec moins de monde, d'accord? Et dans cette image, il y a deux possibilités. Il y en a une qui dit que quand l'eau, elle circule plus, eh ben, c'est la boue qui remonte. Ça, c'est la merde. C'est quand ça se passe pas bien. Et quand l'eau circule quand même, eh ben, il y a des choses qui émergent. Et moi, je pense qu'on est plutôt dans la deuxième situation, parce que je sens qu'il y a quand même, de la part de ceux qui viennent et qui s'accrochent, une détermination en qualité qui est intéressante pour continuer. Donc, sur les choses qui dépassent, j'ai plusieurs propositions rapidement avant de développer sur un point et je vais essayer de faire vite. Des questions clés. Il y a la question de l'argent. On en a besoin pour continuer à avoir des tracts, de la peinture pour les banderoles, etc. On a besoin de sous. Je propose vraiment qu'à la prochaine assemblée de coordination, il y ait une petite équipe qui se réunisse à la fin, là, aujourd'hui, et qui prépare un point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée de coordination sur comment on gère l'argent, avec une proposition en 20 lignes sur ça. Ça, c'est un point qui me semble essentiel de résoudre. Il y a un autre point essentiel qui me semble à résoudre, c'est la question de la communication. Et on a parlé de communication interne et de communication externe. Je pense que la manière de résoudre ça, c'est de demander et de fixer un soir de cette semaine une conférence de rédaction. Voilà. Si il y a des gens ici qui sont suffisamment dans les questions médias et outils de communication et qui pourraient fixer dans la prochaine semaine une conférence de rédaction, je pense que ce serait un moment important pour aborder ces questions spécifiquement. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est sur les questions de bilan et d'identité. Moi, j'ai bien aimé ce qu'a dit François, comme quoi on était à la fois un hébergeur et un relais. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce qu'a dit le vieux combattant qui était à la place de Gilbert, et qui a parlé de réseau de système. Ça décrit assez bien ce qui se passe, voilà, à mon avis. Et donc, je voulais vous rendre compte un peu plus attentivement, je peux vous le distribuer parce qu'il en reste des exemplaires. À Pimpon, on a fait une commission, les contours de Nuit Debout. Et donc, quand il y en a qui disent nous doter d'une identité, c'est exclure. Je pense que, moi j'aime pas trop le mot identité, mais par contre, être capable de nous présenter, c'est possible, et que ce soit inclusif. Et donc, je crois qu'on a une base de départ, là. Je vais vous lire juste les points qui s'appellent ce que Nuit Debout permet. Et je pense, si ces points, vous reconnaissez là-dedans, si on sait que c'est évolutif et qu'on pourrait rajouter de nouvelles expressions qui correspondent, qui décrivent bien, on est en mesure d'avoir quelque chose à mettre sur un papier pour quand les gens ils veulent savoir comment on est, et ben on a quelque chose quand même à leur fournir de base. Donc qu'est-ce qu'on avait écrit? Ce que Nuit Debout permet de faire. Alors il y a 7 points et le 8e c'est 3 petits points parce que c'est pas fini. Ça sera jamais fini. Donc le premier point, Nuit Debout permet de faire vivre sur les places publiques un lieu d'expression créatif, d'initiative et de pratiques solidaires, ouverts dans l'égalité à tous les milieux sociaux. Ouais, bon, ça me va. 2. La richesse des échanges et la diffusion des savoirs. On le fait. 3. L'éveil des consciences, la prise de confiance et la motivation au changement profond. C'est un truc qu'on fait. 4. La convergence de l'opposition collective au système, à ses injustices et à ses responsables, la synergie des alternatives concrètes en marche et l'élaboration de solutions globales. Alors ça, je pense que c'est plus un désir qu'une réalité, mais c'est vrai qu'on s'oppose collectivement au système, à ses injustices et à ses responsables. On permet, par exemple, hier, à ce qu'il y ait des synergies entre diverses alternatives concrètes, et on essaye aussi d'élaborer des solutions globales, plus ou moins. 5. De se rassembler. Allô ? De se rassembler et d'agir ensemble dans la durée pour déplacer les rapports de force. 6. La convergence des luttes dans les nuits debout et avec d'autres forces. Syndicats, associations, assemblées générales interprofessionnelles, en raison ou en coordination externe. Ce point, il est vachement important. Et ça répond à ce que disaient ceux qui pensent que on a fait venir tout le monde dans nuit. Enfin, en gros, on pensait que tout le monde devait converger dans nuit debout et que hors nuit debout, point de salut. Il y a eu un état d'esprit comme ça qui est absolument mortifère. Du coup, dire qu'on est pour une convergence des luttes au sein de Nuit Debout et une convergence des luttes avec d'autres forces, d'autres luttes ailleurs, je pense que c'est une manière de répondre qu'on est les deux et qu'on veut les deux. Voilà. Et la dernière chose, c'était la solidarité entre centre-ville et banlieue et le combat des clivages raciaux. Donc aussi un truc que je pense on fait. Bon, je vais m'arrêter là, mais quand même pour dire, par rapport à tous ceux qui disent qu'on n'a pas réussi à se doter d'une définition, d'une présentation, il y a quand même des choses qui sont élaborées, qui sont pensées, qui sont à faire évoluer, auxquelles participer, et que ça sert, si ça nous permet de permettre qu'émergent des propositions et des actions qui vont rassembler du monde. Et ça, on en parlera après. C'est à toi, Gilbert. C'est un peu lourd tout ça. Bon, on va essayer de faire un minimum quand même. Ah, voilà, bon. L'identité de Nuit Debout, on n'a pas à la définir en réalité, à la définir elle-même, me semble-t-il. On peut essayer tout simplement essayer de voir si on l'aperçoit. La personne qui était à ma place, qui faisait partie de l'association, qui parlait de. Comme d'une séparation de Nuit Debout avec les associations, c'est parfaitement faux. Je pense que Nuit Debout, justement, c'est strictement l'inverse, puisqu'à Nuit Debout, nous retrouvons absolument tout le monde. Toutes les associations, toutes les luttes, tous les syndicats, tout le monde est là en réalité. C'est ça notre réelle identité. Alors maintenant, je pense qu'il se veut. Nous sommes un lieu où nous nous rencontrons tous, c'est ça Nuit Debout. Et nous luttons tous vers quelque chose de commun. C'est peut-être ça qu'il faudrait identifier plus précisément. Non pas ce que nous sommes, mais ce que nous voulons. Et si on arrivons quelque part dans ce sens, je pense qu'on aura fait, un pas en avant. Pour revenir au propos de madame, par rapport à la communication, elle était un peu paumée, je la comprends bien, c'est pas la seule. Et donc j'en reviens à la newsletter, et là, une liste de newsletters qui serait le moyen le plus simple, où la personne n'aurait pas à aller chercher l'information, mais viendrait, la recevrait à domicile si elle le désire, tout simplement. Et ce serait vraiment le lien le plus fort qu'on pourrait établir maintenant avec nos concitoyens. On en a vraiment besoin maintenant. Tous ces outils qui sont utilisés en interne ont peut-être une certaine utilité, certes. Mais on a absolument besoin de quelque chose qui soit beaucoup plus large. À part la newsletter qu'on pourrait vraiment créer, je vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre, de sérieux. Quoi d'autre? Oui, la structuration, la trésorerie, tout ça sont des problématiques importantes. Aujourd'hui, Nuit Debout, c'est pas structuré pour deux raisons principales. Premièrement, avec une demande d'horizontalité excessive qui fait que personne ne décide de rien, tout le monde décide de tout, c'est absolument absurde. Donc, en face de ça, on a l'absurdité de la verticalité qui se produit sous nos yeux au nom de Nuit Debout, puisqu'on sait bien qu'il y a des problèmes de nom de domaine squattés par Pierre, Paul ou Jacques. Mon Dieu, on est encore absolument dans le même piège à con. Bon, c'est pas grave, on va régler tout ça. Mais je pense que les gens qui sont ici maintenant présents, il faut qu'ils se mettent surtout à travailler, à bosser et à se projeter dans l'avenir de façon commune. Au sujet des projets et de ce qu'il se fait ici, il y a énormément de choses qui se font. Mais ces choses-là sont complètement dispersées. Je pense qu'il est absolument nécessaire de faire connaître à tout le monde ce qui se fait, les projets en cours, qui veut participer. Tout ça n'est pas fait. On pourrait tout simplement déjà l'afficher sur la place publique. Une newsletter permettrait de communiquer avec tout le monde. Et ainsi, mon Dieu, on pourrait voir la réalité de Nuit Debout, qui aujourd'hui n'est pas claire, à cause de cet éclatement. Voilà. Bon, mais je m'en tiens là pour l'instant. Je laisse la parole. Juste pour dire, il reste 3 tours de parole et ensuite on passe à la suite. Oui, quand j'entends dire que tout le monde peut parler à Nuit Debout, je vois pas d'où tu sors ça, Gilbert. C'est faux. Il y a deux options depuis le début. Il y a l'option ouverte et l'option fermée. Si vous voulez parler, vous prenez le micro, jeune Jean. Non, mais continue. L'option fermée, c'est les autres se rallient à nous. L'option ouverte, c'est Nuit Debout est un forum public où on ne demande pas les opinions politiques des intervenants. Les gens arrivent avec ce qu'ils sont. Et en général, ils sont avec un réseau. Donc la notion de réseau dont tu parles, c'est une notion que Nuit Debout a découvert et permet à... Nuit Debout a permis à la complexité totalement nouvelle de s'établir sur un lieu qui nous a coûté très cher, puisqu'il y a eu beaucoup de blessés et graves, et c'est un terrain qu'on a conquis et qu'il ne faudrait pas l'oublier, ça. Donc ce terrain-là autorise une complexité. On va s'en sortir par la complexité, on va pas s'en sortir par la restriction. Merci. Donc Marie. Oui, moi je voulais rebondir par rapport à la structure, parce que je me demande si réellement il y a une structure, par exemple, si on transformait du moins cette commission en association, est-ce que du coup le lieu changerait et est-ce que ça permettrait du coup plus à certaines personnes de passer juste par ici et de tomber sur cette commission par hasard, en fait. Du coup, ça rejoint un peu ce que certains disaient sur l'exclusion de personnes. Vu qu'il y a déjà des associations qui sont créées, si les gens viennent ici, c'est qu'ils trouvent pas leur compte dans les associations. Donc c'est autre chose, Nuit Debout, que, enfin, pour moi personnellement, qu'une association. Et je trouve que c'est ça la richesse, c'est le côté chaotique. Et autre chose de positif, c'est que j'ai des amis qui me disent: ah bon, tu vas encore à Nuit Debout? Bah oui. Ah bon, il y a encore. Donc oui. Voilà, et les gens sont très étonnés, donc je trouve ça très bien. Merci. Oui, bon, moi, je ne vais pas faire... J'ai tiré un bilan avant de dire qu'il fallait faire des propositions. Donc, les propositions, on a du mal à les recueillir, mais il y a la commission éveil des consciences qui est là, par exemple. Les gens d'écologie, je sais pas. La commission économie, bon, c'est-à-dire qu'il y a, alors il y a peut-être besoin d'une phase transitoire où on se dit on fait un bilan. Il y a déjà eu des bilans faits sur Gazette Debout de plusieurs commissions. Donc, il serait temps que les propositions se fassent. Voilà. On avait 97 commissions, il faudrait que ces commissions, ou une partie d'entre elles au moins, apparaissent. Bon, l'autre bilan qu'il faut faire, c'est-à-dire c'est un bilan d'incapacité pour l'instant, partielle, au travail. Ça c'est un bilan, il faut se rendre compte. Deuxième chose, quand on évoque des principes... comme Gilbert a dit, et Pierre lui a fait remarquer que nos actes ne sont pas en accord avec le principe, il ne faut pas se cacher, quoi. Non, on a exclu au moins deux personnes, si ce n'est plus, du débat de la place. Donc ça, faut savoir ce qu'on dit, quoi. Est-ce que on a peur de débattre avec des personnes parce qu'on se sent incapable de débattre, ou c'est simplement une orientation politique, ou c'est mal comprendre déjà la diversité de Nuit Debout? Je vais vous donner un exemple. Un soir où on était en train d'essayer de résoudre les problèmes du futur, on discutait comme ça, il y a un mec qu'on ne connaissait absolument pas, je ne pense pas qu'on l'ait revu, et bien il a parlé comme un mec du FN. La suite, qu'est-ce qui s'est passé entre nous? C'est que personne ne lui a répondu et on a poursuivi notre débat. Ça surprend. Le gars, il a dit il faut foutre tous ces gens dehors, voilà, c'est comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Mais on a été tellement surpris qu'on n'a rien répondu. Et je pense que maintenant qu'on sait quel type de gens il y a, de la diversité, c'est normal qu'à Paris, il y ait un tas de sortes de gens. Nous ne formons pas une propriété privée comme la mairie l'autorise à côté avec des grilles autour de Terre de Barnum. Nous, on privatise la place, mais ça reste ouvert. D'accord? Ça reste ouvert. Et donc, le débat, eh bien, s'il y en a certains qui sont incapables de le faire, ça veut pas, il ne doit pas empêcher les autres de pouvoir le faire. Il faut pouvoir apporter la contradiction. Notre société est tellement merdique que les plus pros, les plus pauvres, ce sont les plus pauvres qui réagissent de manière raciste très souvent. Parce qu'ils ne voient pas d'autre solution et puis parce qu'il y a le moulin médiatique qui est là-dessus. Donc on peut. C'est ceux-là aussi qui votent pour le FN. C'est pas parce qu'ils sont racistes fondamentalement, c'est aussi parce que il y a des Maghrébins au FN. Hein. On se gourre sur la question. Non, ça dérape pas. C'est-à-dire, on se trompe sur un seul angle d'attaque contre le Front National. Et donc, cette incapacité, pour l'instant en tout cas, à affronter, ça nous fera gagner personne. Dans le sens où, en général, ici, on pense à Nuit Debout qu'il faut aller. Pour la question politique, je vous invite à 18h30 au milieu de la place. Ok, bah merci à toutes et tous. Tu veux peut-être conclure sur ce point-là, assez rapidement? Plutôt à mademoiselle, concernant les associations, je comprends tout à fait que tu dises que si les gens viennent à Nuit Debout et n'intègrent pas des associations qui sont déjà en lutte sur les mêmes thèmes, c'est parce que justement ils ont besoin de ce côté chaotique, de finalement se sentir libre dans un élément, un mouvement qui n'a pas de structure, qui n'impose pas de règles et qui ne donne pas de grade ou de, enfin, tout ce qu'on peut imaginer en termes de structure. Et ça, enfin, selon moi, c'est aussi c'est autant un avantage que c'est un inconvénient, dans le sens où quand tu es dans le chaos et que tu essayes de construire quelque chose, comment tu t'y prends concrètement entre les gens, comment tu t'y prends pour coordonner les gens ensemble, pour travailler sur un thème, arriver à un résultat et communiquer ce résultat, si tu es dans un chaos permanent où du coup personne n'a de rôle, personne n'a d'attribution, personne ne peut répondre à comment on fait telle chose, parce que tout se construit un peu dans le chaos, et c'est aussi ce qu'on a, enfin, comme tu le disais, ce qu'on a aimé. Mais je pense qu'il est quand même un moment question de comment on structure ce chaos. C'est-à-dire qu'on peut garder le chaos, mais comment on met en forme les choses pour que les gens sachent à l'avance comment ils vont devoir faire pour s'y prendre, pour réaliser telle chose. Je ne sais pas si je suis très clair, mais c'est, enfin, pour moi, c'est justement ce qui était, on va dire, l'axe un peu central de la création de SPAD. C'était comment on fait avec notre chaos pour en faire quelque chose de structuré. Et d'ailleurs, merci à tous d'être venus pour ce débat et d'y avoir participé. Merci beaucoup. Et merci à toi. C'est vrai que c'était très, très, très intéressant et on voit qu'il y a... on est prêt à faire plein de choses. Donc du coup, on va passer à la deuxième partie. Donc on est en retard d'une demi-heure à peu près. On avait dit trois quarts d'heure du coup. Hein, voilà, de toute façon, on sait bien qu'on va commencer à déblayer dessus, mais on... ça, tu vas peut-être trouver des volontaires pour y travailler derrière. Donc là, c'était la présentation des propositions qui ont déjà été faites à Rennes. Comme ça, c'est un début de bilan, du coup, qu'on fait en même temps. Et donc tu disais qu'il y avait déjà eu 10 propositions sur la démocratie qui avaient été faites, des propositions très concrètes. Et là, tu disais qu'il y en avait à peu près 80 maintenant. C'est ça ? Donc voilà, je te laisse. Ouais, merci François d'avoir organisé ce partage.